من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل دراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يجعلنا من العاملين الشاكرين كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا وفي الآخرة وبعد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في الصنف الثالث. Donc on va reprendre sans plus attendre sur notre étude du livre تجريد التوحيد المفيد للعلامة الإمام تقي الدين علي بن أحمد المقريزي رحمه الله تعالى que la miséricorde soit sur l'auteur. On va reprendre sans plus attendre sur le passage dont on avait terminé notre assise, la dernière assise d'hier, lorsqu'on a commencé l'étude de la troisième tendance. L'étude de la troisième tendance face à la question, une question très importante concernant les meilleures adorations et les meilleures œuvres. On a dit, dans la troisième tendance, il considère que les meilleures œuvres, ce sont les œuvres dont le profit et le bienfait ne se limitent pas à l'adorateur et au dévot lui-même. Raou أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعدين. Et donc dans cette troisième tendance, dans cette conception-là, il considère que la meilleure adoration, c'est celle dont le profit et l'utilité n'est pas lié à l'adorateur et au dévot lui-même seulement. Mais que celui-ci, c'est-à-dire l'adorateur, celui qui accomplit cette œuvre et cette adoration, le profit de celle-ci est utile aussi pour les autres et bénéfique aussi pour les autres. Donc ça, c'est la troisième conception. Et donc, c'est la troisième tendance que cite l'auteur ou compréhension ou avis, si vous voulez. قال رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد فرأوه أفضل من النفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء واشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير. وقال المصنف رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ذكر الحديث إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في حجرها. قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعاديهم لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. Voilà, donc on a lu la parole de l'auteur concernant la troisième pensée, ou le troisième avis, ou la troisième conception concernant l'adoration, la troisième catégorie. Donc eux considèrent que la meilleure adoration, c'est celle dont même autrui peut tirer profit de celle-ci. Et donc cette adoration-là, le bienfait de celle-ci et l'utilité de celle-ci n'est pas liée et se restreint pas seulement à l'adorateur, à celui qui accomplit l'œuvre et l'adoration. Mais plutôt, le profit, il est plus vaste. C'est ça ce qu'on appelle muta'addin. Muta'addin, c'est lorsque le profit est plus vaste et autrui aussi profite de l'utilité de cette adoration. Et donc, cette catégorie-là se met ainsi au service des pauvres et ils cherchent à aider les gens, soit avec leur argent, soit en utilisant al-jah, leur rang à eux, en utilisant al-jah, leur rang, ou autre chose. Et il dit, il inspire du hadith les créatures, et on avait cité le récit, je vais rester sur le terme en arabe, dans le hadith en arabe, il est cité Al-khalq wa 'iyalullahi wa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li 'iyalihi. Al-hadith. Wa hadha al-hadith rawahu al-Bazzar fi kitab Kashf al-Astar wa Abu Ya'la fi al-Musnad wa ghayruhum min hadith Anas ibn Malik. Lakin qulna fi isnadihi رجل يسمى بيوسف ابن عطية الصفار وقال الذهبي في الميزان مجمع على ضعفه فهو متروك. C'est pour ça que ce récit est considéré فعد هذا الحديث من مناكره من مناكره. C'est pour ça que ce récit-là est considéré comme faible. Mais une traduction relative, il est dit dans le récit, les créatures sont... L'auteur de Ifadat al-Mustafid, il dit « Iyal », on l'avait cité hier, dans le sens de « al-fuqara », les pauvres, des indigents. Ici, ils ont traduit littéralement. C'est vrai que dans la langue arabe, lorsqu'on dit « al-Iyal », l'Iyal, c'est les enfants. Ici, dans l'explication, dans Ifadat al-Mustafid, le Cheikh al-Fawzan, il dit « al-Iyal bimarn al-fuqara », les pauvres, les indigents. Et c'est vrai qu'on est tous indigents auprès d'Allah, envers Allah Azza wa Jal. On est tous faibles. On est des pauvres indigents. Nahnu fuqara ila Allah Azza wa Jal. Et Saint-Hassan explique le hadith de la sorte. C'est que les serviteurs d'Allah, les croyants, les créatures, sont indigents, sont pauvres auprès d'Allah Azza wa Jal. Et donc les créatures sont les iyal, iyal Allah. Les plus aimées pour lui, c'est celles qui seront la plus utile à ses enfants, à ses iyal, en d'autres termes. Vous avez compris pourquoi l'auteur, l'imam al-Maqrizi, cite ce récit-là. Il cite ce hadith-là. Pourquoi ? Parce qu'il parle de cette catégorie qui considère que l'adoration la plus bénéfique, c'est celle qui profite à autrui. Pas seulement au dévot, à l'adorateur. On ne revient pas en révision pour qu'on puisse... D'habitude, on révise ce qu'on a appris dans les assises précédentes, mais là, on va continuer, Inch'Allah, puisque le sujet est très important. Et donc, la fois dernière, dans la dernière assise, on a terminé la deuxième tendance. On avait parlé que ceux qui considèrent que la meilleure adoration, anfa' al-ibadat, c'est jama'iyat al-qalb. Jama'iyat al-qalb. C'est lorsque le cœur, on le remplit d'adoration. Lorsque le cœur est rempli de dévotion. Et donc, ils ne se laissent pas distraire de cela. Et pour eux, c'est ça l'objectif. On avait parlé de cela lorsqu'on a parlé de cette deuxième catégorie qui considère que c'est le zohd, l'ascétisme, la meilleure adoration. Donc ça, c'était dans les assises précédentes, lorsqu'on traitait de la deuxième tendance ou la deuxième conception, la deuxième catégorie. Là, dans la troisième catégorie, donc maintenant, et les savants disent que la wedge, cette pensée-là, est authentique, est vraie. Ceux qui considèrent que parmi les meilleures adorations, c'est celle dont le profit et l'utilité de celle-ci n'est pas liée seulement au dévot, à l'adorateur, mais l'utilité profite aux autres. Et l'auteur, pour cela, il cite des preuves à cela. Donc le premier hadith qui a été cité, qu'on vient de mentionner, qui est rapporté par Al-Bazzar et Abu Ya'la dans le Musnad, dont beaucoup de savants disent que le récit est faible. Qalou. Les savants donc ont dit, et surtout dans cette catégorie-là, ils ont dit « وَعَمَلُ الْعَابِدِ قَاسِرٌ عَلَى نَفْسِ » Il y a le dévot, celui dont, en réalité, son adoration, le bienfait de celle-ci, est lié qu'à lui, et ne touche que lui. Et il y a « عَمَلُ النَّفَّعَ » Un naffar, c'est celui qui est profitable, il profite aux autres. النفاعي متعد إلى الغير. Donc là, c'est celui qui va adorer aussi, mais cette adoration-là, comme on l'a dit précédemment, elle profite à autrui et aux autres. فإن أحدهما من الآخر. Et là, l'auteur dit, en posant la question, mais quel est فإن أحدهما عن الآخر. Dans le sens, il dit où est un tel par rapport à l'autre. C'est-à-dire, celui dont le bénéfice de son adoration n'est lié qu'à lui, par rapport à celui dont son adoration, à travers celle-ci, il est profitable pour les autres. Il dit, où en est-il le premier par rapport au deuxième ? Et comme vous savez, ici l'auteur s'inspire des propos, comme on l'a dit précédemment, on a relaté cela maintes fois, de l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh. طيب قال ensuite l'auteur dit ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Et comme on s'est arrêté hier, là l'auteur fait allusion à un récit et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne et nous apprend la différence qu'il y a entre le simple dévot et le savant. Pourquoi l'auteur ici donne l'exemple du savant ? Parce que le savant, à travers son adoration, il profite, il est profitable pour lui-même, mais aussi, il est utile pour les autres. Et donc, on voit que le bienfait et l'utilité de son adoration est profitable aux autres. La différence avec le simple dévot. Le simple dévot, lui, il est profitable pour lui-même, et son adoration est utile pour lui-même seulement. Pour cela, l'auteur dit, la différence entre un savant et un adorateur, c'est comme la différence, comme il est dit dans le récit, et justement ici, il s'appuie sur un récit, c'est comme la différence entre la pleine lune et les étoiles. Entre la pleine lune et les étoiles. Et on avait commencé à expliciter cela dans la dernière assise, la pleine lune et les étoiles. Les étoiles, on a dit, les étoiles, elles sont profitables. Il y a un profit. Mais le profit des étoiles n'est pas comparable avec le profit de... avec l'étendue du profit de la lune. Les étoiles, à travers les étoiles, il y a un profit. Le fait qu'elles soient une parure pour le ciel. Le fait qu'on peut s'orienter en utilisant les étoiles. Le fait qu'elles soient lapidation pour les démons. Donc ça, c'est les profits des étoiles. Donc les savants, dans l'explication, ils disent que l'étoile, il n'est pas dit qu'il n'y a pas de profit. Lorsqu'il est dit, la différence entre un savant et un adorateur, c'est comme la différence entre la pleine lune et les étoiles. Pour cela, l'exemple et la comparaison est très pertinente. Pourquoi ? Parce que les étoiles, est-ce qu'il y a un bénéfice ? Une utilité ? Naam. Oui. Ici, il n'est pas nié que à travers les étoiles, il y a une utilité. Comme l'a dit précédemment, c'est une lapidation pour les démons, c'est une parure pour le ciel, et par elle, on peut s'orienter. Pour le voyageur, il peut céder des étoiles. Du fait que le dévot, on ne dit pas que le dévot, l'adorateur, dont son adoration ne profite qu'à lui, il n'y a pas un bénéfice pour autrui, on ne dit pas qu'il n'y a pas de bien. Il l'adore, donc il y a un bien dans son adoration. Comme pour ses étoiles, il y a un bénéfice. Mais c'est incomparable avec le bien du savant. Le dévot, le simple dévot, n'est pas comparable avec le profit qu'il y a à travers l'adoration et à travers le ilm du alim, du savant. C'est pour ça que l'exemple du prophète sallam est d'une immense pertinence. D'une immense pertinence. Lorsqu'il est dit dans le récit, la différence entre un savant et un adorateur, c'est comme la différence entre la pleine lune et les étoiles. Et ça, c'est un extrait du hadith qui est rapporté dans Abu Daoud, Tirmidhi ou Abu Majah, et Sheikh Al-Allama Al-Albani le considère authentique. Ce récit-là, le considère authentique. Et pourquoi la comparaison est pertinente? Parce que comme il est dit, l'étoile a un profit, sauf qu'elle n'est pas comparée avec le profit, l'étendue du profit de la lune. Pourquoi? Parce que la lumière de la simple étoile n'illumine pas les êtres et la terre. Tandis que Laylat al-Badr, la nuit où il y a une pleine lune, et dans les récits listés la pleine lune, la lumière de la lune, alors illumine la terre. Et les gens peuvent profiter de cette lumière. Donc vous avez vu la vaste étendue du profit et du bénéfice de la lune par rapport aux autres étoiles. Ainsi, la différence il y a entre le simple dévot et le savant. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ensuite, l'auteur cite le hadith de Ali. Ali, c'est-à-dire qu'un jour le prophète sallam a dit à Ali: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Là, le prophète sallam a dit à Ali ibn Abi Talib: qu'Allah guide par ton bien, ne serait-ce qu'un seul homme, c'est mieux pour toi que les chameaux rouges. Que les chameaux rouges, dans une traduction littérale. Donc, لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا. Qu'Allah guide par ton bien, ne serait-ce qu'un seul homme. Ne serait-ce qu'un seul homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprend à Ali que la guider d'un seul homme, ne serait-ce d'un seul homme, c'est quelque chose d'immense. Le bien, il est immense. Il ne faut pas dévaloriser ou minimiser cela. C'est quelque chose d'immense. De sorte que le prophète en somme lui dit, c'est meilleur que humr n'am. Humr, avec un soukoun sur le mime, on dit min humri n'am. Min humri n'am. Pourquoi? Parce que si on change la voyelle au milieu, on met par exemple en dhamma, humur, c'est le pluriel de himar. C'est le pluriel de l'âne. C'est le pluriel de l'âne. Et donc, c'est pour cela, là, la focalisation ici, les voyelles sont très importantes. Min humri na'am. Les chameaux rouges. Qui était à l'époque, le prophète, sallam, a donné en comparaison la plus grande richesse que détenaient les Arabes à l'époque. C'est la plus grande richesse chez les Arabes. Et donc, le prophète, sallam, dit à Ali qu'un seul homme, ne serait-ce un seul homme qui soit guidé, qu'Allah le guide, par ton biais, que tu sois la cause, en quelque sorte, de la guider d'un seul homme, alors c'est mieux pour toi que toute la richesse. La plus grande richesse qu'avaient les Arabes à l'époque, les humr an-na'am, les chameaux rouges. Le prophète sallam me dit que c'est mieux pour toi cela que cela. La guider d'un seul homme seulement. Ce qui prouve que d'être utile, ici l'auteur veut prouver que d'être utile pour autrui, c'est quelque chose d'immense. Et le bien est immense auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'ensuite il cite le hadith qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ajri man tabi'ahu min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'an. Dans un autre récit, le prophète sallam dit celui qui montre le chemin d'un bien ou celui qui guide, qui oriente vers une guidée, kana lahu min al-ajr, il aura la récompense de celui-ci. Si tu étais la cause d'un bien ou de la guider d'une tierce personne, tu auras la récompense de cela من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Tu auras la récompense de celui qui t'a suivi, sans diminuer de sa propre récompense. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير. Certes, et il cite un autre récit, certes, Allah et ses anges prient pour l'enseignant du bien. Prient pour l'enseignant, pour celui qui enseigne le bien. Quiconque prêche une bonne chose aura la même récompense que tous ceux qui la mettent en pratique, sans ne rien diminuer de la leur. C'est le récit qu'on vient de citer précédemment. Et il dit aussi, et le récit qu'on vient de citer là, c'est Allah et ses anges prient sur ceux qui enseignent les bonnes choses aux gens. Et l'auteur cite aussi, il a également dit, tous les occupants de la terre, dans un autre récit il est dit, tous les occupants de la terre et des cieux implorent le pardon en faveur du savant. Même le poisson dans la mer et la fourmi dans son trou. Dans ce récit, donc vous avez vu, c'est des récits qui nous prouvent que lorsque l'adoration n'est pas profitable et ne se restreint pas seulement au dévot, à l'adorateur lui-même, mais le profit est plus vaste, il touche autrui et d'autres, le bienfait, mashallah, est lié à autrui, alors la récompense est grande et l'adoration est meilleure. C'est ce que sous-entend ici la troisième catégorie. Qala al-ulama, les savants disent, c'est un récit qui est immense. Le dernier récit qu'on a lu, tous les occupants de la terre et des cieux implorent le pardon en faveur du savant. Tous les occupants, il est dit dans le récit. Ce récit-là, il est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi ou Ibn Majah. Et il est rapporté que Ash-Shir al-Albani le considère bon et authentique. Malgré que beaucoup de savants considèrent que la chaîne de transmission est faible. La chaîne de transmission du récit est faible. Mais comme il y a beaucoup de récits qui vont dans ce sens, alors la chaîne de transmission se renforce par rapport aux autres chaînes et aux autres récits. Donc il se renforce. Pour cela, les savants le citent et mentionnent ces récits. Et en l'occurrence, il est rapporté que certains savants le considèrent bon. Taïb. Dans le récit où il est dit Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala muallim al-khayr, Allah et ses anges prient pour l'enseignant du bien. Vous avez compris que les savants expliquent que la prière d'Allah, c'est l'évocation d'Allah de celui-ci dans les plus hautes assemblées. Athana ala abdihi fil mala'il a'la. Donc lorsqu'il est dit que Allah prie sur l'enseignant, dans le sens Allah l'évoque dans les plus hautes, dans les plus hautes assemblées, comme évoquent beaucoup de savants, et comme l'explique l'auteur de Ifadat al-Mustafid. Wa salatul mala'ikat. Et par contre, la prière des anges, puisqu'il est dit Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala muallim al-khayr. C'est quoi la prière des anges sur muallim al-khayr? La prière des anges, c'est dans le sens à l'istighfar. Que les anges demandent pardon. Wa salatul adamiyyin. Et ensuite, il est dit Et tout. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala muallim al-khayr. Donc, la prière d'Allah sur l'enseignant, c'est-à-dire dans le sens Thana'u fi al-mala' al-a'la ala 'abdihi fi al-mala' al-a'la. Donc, c'est l'éloge d'Allah Azza wa Jal ala 'abdihi, Thana'u ala 'abdihi fi al-mala' al-a'la. C'est l'éloge d'Allah Azza wa Jal dans les hautes assemblées. La prière des anges sur celui-ci, c'est dans le sens la demande de pardon, al-istighfar, c'est-à-dire que les anges implorent le pardon pour le serviteur, en l'occurrence ici dans le récit, il est dit le savant. Lorsqu'il est cité Salat al-Adamiyyin, la prière des êtres humains, des serviteurs, des hommes sur un autre, c'est dans le sens de ad-du'a. C'est dans le sens de ad-du'a. Donc vous rappelez cela, l'explication de savant, la prière d'Allah sur son serviteur, c'est l'évocation et l'éloge de celui-ci dans les plus hautes assemblées. La prière des anges sur le serviteur, c'est la demande de pardon. Et la prière des créatures envers une autre créature, la prière, c'est dans le sens de ad-du'a. C'est dans le sens de l'invocation. Car vous avez bien compris que c'est, le sens de prière, c'est pas prier. Comme nous, on prie Allah Azza wa Jal. Ensuite, إِنَّ الْعَالِمْ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ وَالنَّمْلَةُ فِي حُجْرِهَا. Concernant le hadith, regardez, c'est immense. Dans le récit qu'on a cité précédemment, et que cite l'auteur, certes, le savant demande pardon pour lui tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Tous les habitants des cieux et de la terre, tous les occupants de la terre et des cieux implorent le pardon en faveur du savant. Même le poisson dans la mer et la fourmi dans son trou. Même le poisson dans la mer et la fourmi dans son trou. Il est dit dans le récit, traduction relative du récit. Ils implorent le pardon pour qui ? Le savant. C'est immense. Imaginez-vous, tous les occupants des cieux et les occupants de la terre, même le poisson en mer, même la fourmi dans son trou, elle implore le pardon d'Allah Azzawajal pour celui qui enseigne le bien. Pour celui qui enseigne le bien. La récompense et la faveur et le mérite est immense. C'est ça ce que l'auteur veut mettre en avant en exergue ici. Pourquoi ? Parce que le profit n'est pas lié seulement à celui qui adore, mais le profit est lié à autrui. C'est-à-dire que l'enseignant, celui qui enseigne le bien, il est profitable pour autrui. Profitable pour autrui. Vous savez, beaucoup de gens veulent l'agrément d'Allah. Beaucoup de gens veulent adorer le Créateur, mais ils ne savent pas la manière dont ils font l'adorer. Ils ne savent pas ce que le Créateur agrée comme adoration. Comment est-ce que nous, on a su quelles sont les bonnes œuvres et les bonnes adorations ? Comment on a compris quel est le droit chemin, le chemin de la rectitude ? Et comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on l'adore ? En profitant des enseignements des savants. Donc celui qui se rend compte de l'immensité, de la grandeur de l'adoration d'Allah Azza wa Jal et de trouver le bon chemin, il va se rendre compte de l'importance des ulama. Mais beaucoup négligent cela. Ils ne se rendent pas compte du bienfait de la guider. Du bienfait de la guider, d'être sur le droit chemin. Il y a des gens, dans des siècles précédents, même jusqu'à aujourd'hui, des dévots, des fervents adorateurs, qui passent leur journée, leur nuit à adorer. Mais leur adoration est vaine. Et ils se fatiguent. Des nuits de fatigue. Des journées de fatigue. Et ils s'imposent des charges dans l'adoration d'Allah. Et eux pensent bien faire. Alors qu'en réalité, leur adoration est vaine. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas conforme aux enseignements du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, un savant raconte, il dit que c'est un cheikh qui dit que son cheikh lui a rapporté qu'un jour il était en voyage. Il était dans une contrée. Et dans cette contrée-là, il y avait une mosquée. Et lui, il allait prier à la mosquée. Il allait faire salat fil al-masjid. Et à chaque fois, en allant faire salat sur le chemin, il voyait un homme, un ajouz, une personne âgée, qui était toujours fait zawiya, qui était dans un coin, et qui se recueillait dans ce coin. Tout le temps. Quand il sortait le matin, l'après-midi, à n'importe quelle heure, quand il allait faire ses salats, il voyait cet homme qui était fils Zawiya. Et donc le cheikh, il se posait la question. Que fait-il ? Et cet homme, toute la journée, il priait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kana yusalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ala nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et il faisait les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Vous savez très bien que les prières sur le prophète, c'est une grande adoration. C'est quelque chose de méritoire. Sauf que, alors le savant, à chaque fois qu'il passait, il voyait cet homme fi Zawiya, il faisait les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam toute la journée. Dans ce coin, il bougeait pas. Mais le cheikh était étonné, puisqu'à chaque fois qu'il allait à la prière, il le voyait dans ce coin-là, il ne bougeait pas. Et lorsqu'il revenait après la prière, il le voyait toujours à la même place, au même endroit. Jusqu'à que le cheikh, il s'est posé la question. Mais est-ce qu'il va à la prière ou pas? Parce qu'à chaque fois, il le voit au même endroit. Donc un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et après la prière, il s'en alla. Sur l'instant, de suite. Et lorsqu'il sortit, il vit l'homme au même endroit. Alors, le cheikh qui rapporte l'histoire, il dit, j'ai demandé à mon cheikh, mais pourquoi l'homme faisait-il cela? Donc, il n'allait même pas faire salat al-jama'a. Il restait dans son coin. Et c'était waqt al-salat al-jama'a, où yasma' al-nida, wallahu a'lam. On pense que dans le contexte, il devait entendre al-nida, l'appel à la prière. Il répond pas à l'appel à la prière. Il reste dans son coin où il salli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh qui rapporte l'histoire dit, j'ai demandé à mon cheikh, mais pourquoi l'homme faisait-il ça? Alors, le cheikh lui a répondu qu'il avait interrogé l'homme. Et pourquoi l'homme faisait-il ça? Parce qu'il avait fait un nazr. Il avait fait un vœu de rester à l'endroit et de toujours prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lui ici, waqt salat ma'al jama'a, il s'abstient de la prière en groupe. Et il ne va pas à la salat ma'al jama'a. Il ne répond pas au nida. Et lui, il pense qu'il fait bien. Il pense qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de gens qui étaient des fervents dévots, qui se sont imposés des charges sur eux-mêmes, en pensant se rapprocher du Créateur subhanahu wa ta'ala, ils n'ont fait que s'éloigner. Eux, ils voulaient bien faire. Et lisez dans des livres anciens, vous verrez des histoires al-ajab ul-ujab. Regardez, je vous lis un passage, c'est des exemples, dans Talbis Iblis. Ibn al-Jawzi, regardez ce qu'il dit. Il dit, la ruse d'Iblis contre certains soufis délaissant l'assemblée rituelle le vendredi pour s'être isolés et se retirer. Ils n'allaient pas au Jamara. Ils n'allaient pas Salat al-Jumu'a. Et eux, comme on l'avait bien stipulé dans la dernière assise, on a parlé de certaines ambiguïtés, pourquoi? Et certains donc, alors ce qu'ils faisaient, Ibn al-Jawzi, il dit, ce célèbre et grand savant, son livre est vraiment exceptionnel. Il dit, je vous donne juste un extrait de certains passages, sinon si vous lisez le livre, l'œuvre est exceptionnelle. Il a des histoires que lui relate, qu'on lui a rapportées, l'ajab al-ujab. Comment Iblis, comment Shaitan dupe les gens. Et s'il voit un ignorant, quelqu'un qui n'a pas de connaissance et n'est pas de clairvoyance, alors il va le tromper et va l'assaillir. C'est pour cela qu'avec le savant, il a du mal. Il ne peut pas. Et en plus, le savant est lumière pour les autres. C'est pour cela qu'il est dit dans le récit que pour Iblis, c'est plus dur un savant que 1000 adorateurs, 1000 dévots. 1000 dévots. Ibn al-Jawzi dit, les plus illustres parmi nos pieux prédécesseurs avaient une préférence pour le retrait et l'isolement en se mettant à l'écart des gens préoccupés par le ilm et le culte. Regardez ce qu'il dit. Préoccupés par le ilm et le culte. Cela ne les empêchait pas pour autant de participer à la prière du vendredi. De participer à la prière du vendredi. Cela ne les empêchait pas aussi de participer au cercle de science et au culte. Et il dit, et des prières en groupe. Cela ne les privait pas non plus de visiter les personnes malades, de participer à un enterrement ou encore d'accomplir leurs devoirs à tout moment. Donc ils participaient aux enterrements, ils accomplissaient leurs devoirs et autres. Leur isolement à eux, à des grands savants parmi les pieux prédécesseurs, consista à se détourner du mal et des mauvais gens. En évitant de fréquenter les désœuvrés, or, eux s'étaient fondés. Ils s'isolaient dans l'adoration, dans les écrits, dans l'apprentissage du savoir. Ils écrivaient des livres, ils révisaient, ils enseignaient, mais ça ne les empêchait pas, ils adoraient Allah Azzawajal, mais ça ne les empêchait pas de participer aux prières en commun, ça ne les empêchait pas de visiter les malades, ça ne les empêchait pas de visiter les pauvres, ça ne les empêchait pas d'assister aux funéraires, aux enterrements, et de dispenser des cours, d'enseigner aux autres. Tandis que certains qui voulaient mettre en apparence l'ascétisme, certains qui ont mal compris. Et ils disent certains se sont initiés, eux, lorsque Shaitan, certains, les a dupés du fait qu'ils n'avaient pas de savoir comme les premiers. Ils n'avaient pas la connaissance. Donc Shaitan les a trompés, les a dupés, de sorte qu'il dit. Or, Satan s'est employé à ruser avec certains ascètes. Shaitan, il va ruser avec certains. Mais il ruse avec qui à la base? Lorsqu'on va lire l'histoire. C'est des gens qui sont bien intentionnés. Eux, ils vont s'isoler pour faire quoi? Ils vont s'isoler pour adorer le Créateur. Eux, c'est pour ça. Est-ce qu'ils sont bien intentionnés à la base? Ils sont bien intentionnés. C'est quoi qui leur manque? Il leur manque le haïn. De sorte que, regardez, il dit « Or, Shaitan s'est employé à ruser avec certains ascètes. Certains se sont initiés à se retirer dans les montagnes, reculer comme des moines, se retrouvant tout seuls matin et soir. » Ils ont pensé que c'était ça. Il fallait faire une retraite spirituelle. Alors, ils se sont mis dans des hautes montagnes. Ils sont se retirés tout seuls. Et ils sont seuls, isolés, matin et soir, comme des moines. Il dit, ils échappent ainsi à la prière du vendredi et à la prière en assemblée, sans compter qu'ils passent à côté de la compagnie fructueuse des hommes de science, la plupart d'entre eux se sont isolés dans des endroits reculés, ce qui les empêche de fréquenter les mosquées, ils se complaisent ainsi dans une vie tranquille sans effort ni travail. Ils ne travaillent pas aussi. Pourquoi? Parce que pour eux, aller travailler et chercher son risque, c'est un manque de confiance envers le Créateur. Shaitan leur a fait croire que c'est un manque de confiance envers le Créateur, que les choses allaient venir comme cela. Et regardez ce que va dire, regardez l'ignorance, écoutez cette histoire. Un homme qui était fervent adorateur, un dévot, regardez ce qu'il relate dans la traduction dans la page 368, si vous voulez vous y référer. Regardez ce que va dire l'imam Ibn al-Jawzi. Il dit, il y a parmi eux celui qui songeait à commettre un acte abominable. Là, il va citer un qui était dévot, mais il a songé à commettre un grand péché. Un acte abominable. Il a songé. Il n'est pas dit qu'il l'a fait. Mais il a songé à faire quelque chose, un acte d'abominable. Alors, vous savez qu'il en est arrivé où? Tellement que c'était un dévot, et tellement qu'il voulait le bien, du fait que lui, il a songé à commettre un grand péché, un acte abominable, il s'est tué. Il s'est dit que le repentir, c'était de se tuer. Et il s'est basé sur un verset. Il s'est même trouvé une preuve. Comment l'auteur va le rappeler. Regardez l'ignorance. Qal ibn al-Jawzi. Il dit Abu Abdillah al-Hussein ibn Muhammad m'a raconté en disant. Donc c'est l'imam ibn al-Jawzi qui dit que cet homme lui a raconté en disant. Il y avait en Perse, c'était dans la terre à l'époque, en Perse, un grand soufi. Il fut éprouvé par un événement. Il n'a pas pu se retenir pour ne pas commettre un acte abominable. Il a appréhendé la colère d'Allah. Si vous voulez, cet homme-là, ce grand soufi qui était en terre de Perse à l'époque, cet homme dont l'histoire est racontée, il a tellement eu peur de la colère du Créateur et du mécontentement d'Allah, Azza wa Jal, alors qu'il a regretté. Il regretta ce qui le préoccupait énormément. Il était tellement préoccupé. Alors écoutez bien, si la personne n'a pas d'ilm, mais il a cette crainte, il craint le Créateur, alors Shaitan, il a une brèche, une porte lui ouverte. Il peut le mener quelque part, pourquoi? Parce que cet homme, laysa indahu ilm, wala basira, n'a pas de clairvoyance. Il ne pourra pas détecter, en quelque sorte, la duperie et la ruse d'Iblis. Regardez. Alors ensuite, il a regretté ce qui l'a préoccupé. sa demeure se situait, il est rapporté qu'il habitait, en un lieu élevé. Et derrière chez lui, il y avait la mer. Donc lui, il habitait dans un lieu qui était élevé, et puis derrière chez lui, il y avait la mer, lorsqu'il fut pris un jour de remords. Un jour, il fut tellement pris de remords, alors il grimpa sur le toit et se jeta dans l'eau en récitant la parole d'Allah « Fatoubou ila ba'li'ikum faqtoulou anfusakum » Ajib. Vous avez vu, chacun peut rapporter des preuves. Si vous avez compris le verset, vous allez dire « Ajib, Ajib al-Ujab ». Regardez, il s'est jeté, il s'est suicidé, il a récité le verset « Fatoubou ila ba'li'ikum faqtoulou anfusakum » Lorsque, littéralement, dans un verset, il est dit « Et repentez-vous vers votre Créateur et tuez vos personnes. » C'est le verset, littéralement. C'est le verset. « Fatoubou ila ba'li'ikum »« Repentez-vous à votre Créateur et tuez vos personnes. » Et donc, en se suicidant, en se tuant, il a récité le verset. En disant, en pensant que le repentir, c'était de mettre fin à ses jours. Le verset, une traduction native, « Repentez-vous auprès de votre Créateur et tuez-vous. » Traduction du verset. Donc c'est le verset 54 de la sourate Al-Baqarah. De la sourate Al-Baqarah. « Qal ibn al-Jawzi. » Regardez ibn al-Jawzi lorsqu'il relate cette histoire. « Regarde comment Iblis a mené ce pauvre homme à petits pas par le regard vers cet efferbe et vers la constance, à le regarder jusqu'à ce qu'il suscite l'amour dans son cœur et jusqu'à le pousser à commettre l'acte abominable. Après qu'Iblis ait remarqué qu'il le tenait, il lui a enjolivé avec l'ignorance le fait de se tuer, et il se tua. Il se peut que ce jeune homme ait seulement songé à commettre l'acte abominable et qu'il n'était pas résolu à le faire. Et regardez ce que dit ensuite Ibn Jawzi, l'auteur, il dit « Alors que même s'il avait songé à faire quelque chose d'abominable, le prophète Sassam a dit « Il est pardonné à ma communauté ce que leur esprit ont fait. » De sorte que si on songe à faire quelque chose, mais on ne l'a pas fait, la personne n'est pas jugée comme s'il l'a fait. Et même s'il l'avait fait, le pardon d'Allah Azza wa Jal est vaste. Allah est le grand pardonneur. Pourquoi ? Parce que dans le verset, Allah dit « Wa la taqtulu anfusakum ». Dans un autre verset, Allah dit « Et ne vous tuez pas ». Le suicide est interdit, ça fait partie des grands péchés capitaux. L'individu n'a pas le droit de mettre terme à ses jours. Comme on n'a pas le droit de tuer une âme, et dans un verset, il nous est dit « Tuer une âme », c'est comme si on a tué toute l'humanité, mais aussi soi-même, on n'a pas le droit de mettre fin à ses jours. On n'a pas le droit de mettre fin à ses jours. C'est immense ce que dit Ibn al-Jawzi. À ce moment-là, Ibn al-Jawzi, c'est immense. Regardez cet exemple qu'il donne. Pourquoi ? Parce que le verset, en vérité, « Fatoubou ila ba'li'ikum faqtoulou anfusakum » ça, c'est lié à l'histoire de Moussa, alayhi salam. C'est l'histoire du prophète Moussa et son peuple. Ça, c'est ce verset-là est lié à l'histoire du prophète Moussa et son peuple. Et le verset, il a une exégèse, une interprétation, une explication. Mais ça date du temps de Moussa, alayhi salam. Donc, il y a une explication au verset. Sinon, le verset qu'il y a dans la sourate Les Femmes, le verset 29, Allah dit « Wa la taqtulu anfusakum » et ne tuez pas vos propres personnes. Avez-vous vu l'ignorance jusqu'à où elle mène ? Cet individu, il a fait ça par crainte du Créateur. Mais personne n'est à l'abri. Combien de jeunes, combien de musulmans ont dévié du droit chemin ? Ils ont fait des choses abominables, ils ont commis l'irréparable en pensant qu'ils se rapprochent d'Allah et se sont éloignés de leur Créateur. Ils se sont éloignés de leur Créateur. Qui est-ce, vous, qui vous a mis à l'abri ? Qui est-ce, vous, qui vous a guidé vers le fait de savoir que le bien et tout le bien se est à travers l'observance et la pratique des obligations ? De pratiquer les cinq prières en commun, ma'al jama'a, de savoir à quel moment il faut jeûner, de savoir que le bon jeûne le lundi par exemple et le jeudi, de savoir le mérite qu'il y a dans les invocations entre al-adhan ou al-iqama. On parlera de cela dans ce qui va suivre. le bien fondé de jeûner le mois du Ramadan et de adorer Allah Azzawajal comme Allah nous a ordonné et commandé de l'adorer. Qui est-ce qui nous a enseigné ces principes? Comment on a pu comprendre cela? Fadl al-ulama. C'est par le mérite, par le biais, parce c'est la grâce d'Allah et par le biais des savants. Pour cela, regardez. Et là maintenant, on va mieux comprendre. Lorsqu'il est dit que les occupants de la terre, des cieux, même le poisson dans la mer, même la fourmi dans son, elle prie pour l'enseignant du bien. Pour l'enseignant du bien. Pourquoi ? Qala al-ulama. Pourquoi prie-t-il pour l'enseignant du bien ? C'est quoi le secret, le mystère de cela ? Pourquoi même les animaux dans la mer, ils prient pour l'enseignant du bien ? C'est quoi le mystère ? Qala al-ulama. لأنه يدعو الناس إلى الخير ويحصل المطر ويحصل الريف وكثرة الخير فالنملة تأكل من رزق الله عز وجل والذي يحدث بسبب هذا العالم الذي يعلم الناس الخير ينزل الخير بسببه وتصرح الأرض بسببه وأما صاحب الشر والعياذ بالله فإنه تلعنه الحيتان في البحر وتلعنه الدواب. Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة بعث محمدا. طيب نواصل. طيب إذا السؤال الذي طرح الشارح قال فلماذا الحيتان في البحر تستغفر له يعني لمعلم الخير والنمل في حجرها تستغفر لمعلم الخير وللعلماء لماذا؟ لأنه يدعو الناس إلى الخير ويحصل المطر وكثرة الخير فالنملة تأكل من رزق الله عز وجل الذي يحدث بسبب هذا العالم الذي يعلم الناس الخير وينزل الخير بسببه وتصلح الأرض بسببه وأما صاحب الشر والعياذ بالله فإنه تلعنه الحيتان في البحر وتلعنه الدواب يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من الدواب والحشرات التي تموت بسببه لأنه تسبب في فساد الأرض وانحباس المطر. Regardez, c'est très pertinent la faïda. Là, la question c'était, dans le récit on a appris que tous les occupants de la terre, des cieux, même le poisson dans la mer, la fourmi dans son trou, comme on l'a relaté dans le hadith, prie pour l'enseignant du bien. Pourquoi ? Parce que des savants, ils ont expliqué et mis différentes raisons. Parmi les raisons expliquées, c'est que celui qui enseigne le bien, par sa cause, sur terre se produit du bien. Parfois on ne s'en rend pas compte. Par le fait qu'il y a des gens du bien sur terre, il y a des gens qui enseignent le bien et qui appellent les gens au bien et pratiquent ce bien-là, alors la pluie descend. Et donc, An-Namla, elle-même, la fourmi, elle profite de cette pluie. Pourquoi ? Parce que c'est Bisabeb Men, des gens du bien et de Mu'allim al-Khayr. Savez-vous que parfois dans des contrées, du fait que sur cette terre-là, il y a des ulamas, il y a des gens du bien, et bien c'est cause de descente de pluie, et c'est cause de khayr, et c'est cause de réforme sur terre. Comme le dit l'auteur de Ifadat al-Mustafid, regardez, il dit « L'imad al-hitan fil bahr, tastaghfirullah, wa an-namla fi hujriha, tastaghfirullah. » L'imad, pourquoi même la fourmi ou le poisson, ou les animaux, les occupants de la terre des cieux, ils prient pour l'enseignant du bien. Parce que bisababihi, parce que huwa yad'u ila al-khayr, wa yahsulu al-matar, wa kathrat al-khayr, fa an-namlatu ta'kul min rizqiha. Et la fourmi, elle va profiter de ça. Pourquoi ? Parce que le alim, le savant qui enseigne le bien et qui est cause du bien, parfois les gens du bien sont cause du fait qu'Allah Azzajal envoie la pluie. Il y a réforme sur terre. Wa tasluhu al-ard bi sababi. Wa amma sahib al-shar wal 'iyadhu billah. Tandis que celui qui fait du mal et propage le mal, à cause de lui, il y a inhibas al-matar. Parfois, il y a la coupure. La pluie ne vient pas à cause de certaines personnes. Et donc, même les animaux le maudissent. Les savants disent. Certains même le maudissent. Comme dans le verset, Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah les maudit et ceux qui maudissent les maudissent. Les gens du mal. Pourquoi ? Pourquoi tous les maudissent ? Parce que se produit du mal sur terre. Il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus de khayr. Le fesel se propage à cause d'eux. Tandis que Mu'allim al-Khayr, celui qui enseigne le bien, il est cause de bien. Et donc, An-Namla tad'ula. Même la Namla, pourquoi ? Parce qu'elle mange du risque. Pour cause de Sahib al-Khayr. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في حجرها. قال المصنف رحمه الله قالوا وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. Regardez ce qu'il dit. Et l'auteur ensuite il dit, le simple dévot, lorsqu'il meurt, son adoration va s'interrompre. Écoutez bien la faïda qui, la très belle faïda qui va y avoir. Moi c'est la première fois que je la lis cette faïda. Fi hada al-hadith. Awwal marra sami't hada. Hada al-istidlal. Regardez ce que va dire Ifadat al-Mustafid. Qala. قال المصنف وقالوا صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. قال الشارح وهذا من الفروق فصاحب العبادة والنفع القاصر إذا مات انقطع عمله هذا واضح وأما العالم وإن مات لن ينقطع عمله ما بقي عمله ينتفع به أو ينتفع به كما في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اسمعوا إلى هذا الكلام. قال في الشرح ألا وهو الشيخ الفوزان حفظه الله، قال وأفضل هذه الثلاث هو العلم. قال لأن الولد يموت وإن تأخر عن أبي ودعا له ولكنه يموت، وكذا الوقف يمكن أن يتعطل وقد يذهب، وأما العلم فإنه يبقى وينتفع به وينتفع به أجيال وأجيال، ويبقى نفعه لصاحبه دائما مستمرا، فالعلم أفضل شيء. سبحان الله. Regardez dans le récit, parce que l'auteur il parle du dévot, de l'adorateur, et combien adore Allah Azza wa Jal bila ilm, ils perdent leur temps, comme on a raconté l'histoire précédemment dans l'assise. Un jour un grand savant rapporte cette histoire, c'est son shir qui lui rapporte, c'est un grand shir de Médine, c'est un savant qui enseigne dans la mosquée de Médine, et il dit un jour mon shir il m'a raconté qu'il avait fait un voyage, et pendant son voyage, il a fait une halte dans une contrée, et dans cette contrée, il vit toujours un homme qui était assis fizawiya. Il était fizawiya. Wahada, et c'était un ajouz, un vieil homme, et toute la journée, il était fizawiya, et wakana yusalli ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il priait son prophète ensemble toute la journée. Masha'Allah, toute la journée. Yusalli ala nabi, wa fizawiya, wa yadu'Allah, wa yusabbih, wa yastaghfir. Il faisait la glorification. Alors, le shir, à chaque fois, il passait, il voyait cet homme, il ne bougeait pas. Et il allait, c'était sur le chemin de la mosquée. À chaque fois, et quand il priait, et ensuite il revenait de la prière, il voyait toujours le même homme, n'a pas bougé. Al-Ajuz met harrak, n'a pas bougé de sa place. Alors le shir, il s'est posé la question, mais il va faire la prière ou pas? Alors un jour, il a fait la prière, et juste après salat, ba'd salat mubasharatan insaraf. Il est parti. Et il vit cet homme là au même endroit. Au même endroit. Donc, il ne répondait pas à l'appel d'Allah Azza wa Jal. Il ne faisait pas la prière en groupe. Malgré que toute la journée, il faisait alors, le shir de Médine qui rapporte cette histoire, il dit, j'ai interrogé mon shir. Mais pourquoi l'ajouz, il faisait ça? Pourquoi il faisait ça l'ajouz? Alors le shir lui dit, parce que l'ajouz, il avait fait un nazar. Il avait fait le vœu que s'il aurait telle et telle chose, il fait le vœu de rester dans un coin, de ne pas bouger de ce coin et de toujours prier sur le prophète. Et lui, il pense qu'il fait bien. Alors il y a le nida, waqt salat al-jumu'ah, il n'y va pas. Waqt salat ma'al-jama'ah, il n'y va pas. C'est qui l'a dupé, qui l'a trompé? Shaitan. Shaitan a exploité son ignorance. Pourquoi nous, alhamdoulilah, Allah il nous a éclairé le droit chemin? Parce qu'on a les ulama qui nous ont enseigné. Sinon, on aurait pu faire partie de gens qui sont visés où était le kitab, et on est en train d'adorer d'une manière innovée ce que le prophète ensemble ne nous a pas enseigné. Et toute la nuit, vous savez, il y a des dévots dans les premières générations. Jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui adorent toute la nuit Allah Azza wa Jal. Toute la nuit. Ils sont réveillés la nuit, toute la journée. Mais leur adoration n'est pas acceptée. Elle est vaine. C'est vraiment Sahib al-Alim, al-Alim, tout ce qu'il y a dans les cieux, sur terre, même le poisson dans la mer, même la fourmi dans son trou, elle demande pardon et elle invoque Allah, elle prie pour Mu'allim al-Khir, pour al-Alim, celui qui enseigne le bien. Et regardez pour terminer, le prophète Sansam nous dit dans un hadith, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانِ إِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Lorsque l'homme va mourir, tout va s'arrêter pour lui. C'est maintenant qu'on peut adorer Allah Azza wa Jal, puisqu'ensuite, tout s'arrête, sauf pour trois. Pour trois. Celui qui a laissé une aumône qui perdure. Comme celui, par exemple, qui a creusé un puits. Il a laissé un puits. Celui qui a, par exemple, édifié une école. Il a bâti une école. Et les gens continuent, des enfants. Ou par exemple, une maison pour les orphelins. Donc les gens continuent à profiter de cela. Même s'il meurt, Al-Hassanat, elle continue pour lui. Ou bien, waladun salih yad'ula. Ou bien, un enfant pieux qui prie pour lui. Donc, c'est dans la masraha, l'intérêt de chacun d'avoir un enfant pieux qui lorsque lui décède, qui est-ce qui va s'occuper de ses obsèques? C'est ses enfants. Qui est-ce qui va faire en sorte que tes obsèques se passent à la sunna? Il y en a masakin, ils ont des obsèques, ils sont enterrés, wallahul musta'an. Si vos enfants sont bons, pieux, ils connaissent la séance, ils vont faire que votre enterrement se fera à la sunna. Comme nous a enseigné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, il portera aucun intérêt à cela. Et en plus, il va prier pour toi. Alors tu es dans ta tombe et lui, il continue à demander le pardon pour toi. Donc le fait de bien éduquer ses enfants, c'est l'intérêt premier du parent. Et le mort, il aura besoin de ça dans sa tombe que son enfant demande le pardon pour lui. Son enfant demande le pardon constamment pour lui. Et troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une science. Quelqu'un qui a laissé une science. Mais regardez, Qal al-Shir, un grand savant dans l'explication, il dit « Mais dans les trois, le meilleur, c'est l'ilm. » Les trois, attention, c'est « Sadaq al-Jariya. » C'est le monde qui continue. Mais le meilleur dedans, c'est l'ilm. Pourquoi ?« Qal wa afdalu hadihi thalath huwa l'ilm li anna al-walad yamut wa in ta'akhara an abi wa da'ala. » Parce que l'enfant, un jour, il va mourir. Même s'il meurt, il vit longtemps, assez longtemps après la mort de son père, il va invoquer pour lui, mais un jour, il va mourir. Ce que vous avez laissé en waqf, un jour, ça va s'éteindre, ça va s'arrêter, le puits va s'épuiser, ou l'école peut ensuite se détruire ou autre, malgré qu'il faut le faire. C'est Sadaq al-Jalir. Mais l'ilm, la science, ça continue. Tout à l'heure, j'ai lu, entre le Maghrib et l'Isha, j'ai lu un passage du livre de Al-Imam Ibn al-Jawzi, Fi Kitab Talbis al-Iblis. Ibn al-Jawzi, Mat, il est mort depuis des siècles et des siècles. J'ai lu une partie du livre de Al-Imam Taqi al-Din, Ali ibn Ahmed al-Maqrizi. C'est un savant qui est mort milieu 9e siècle de l'Égypte. C'est un savant égyptien d'Égypte, qui était du Caire. Imaginez-vous, 9e siècle. On lit des paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, puisque l'auteur rapporte des paroles d'Ibn al-Qayyim. Haoula, ces gens-là sont morts depuis des siècles. Fi qabri. Même des grands rois, Sahib ou Mel, on les a oubliés, ils ne sont pas évoqués, on ne dit pas leur nom. Sahib ou ilm, celui qui a appris la science, qui a laissé une science, regardez, l'imam al-Nawawi, il est mort depuis quand? Depuis des siècles. Au moment qu'on est en train de parler, il est dans sa tombe. C'est pour ça qu'il n'y a pas une meilleure chose que l'ilm. Il n'y a pas une meilleure chose. L'ilm. Vous mourrez, c'est ce que vous allez laisser. L'ilm. Il n'y a pas de meilleure chose. Mais malheureusement, les cercles de science, les mosquées, on ne parle pas juste d'ici. Les cercles de science auprès de l'ulama sont très peu tournables à l'ilm. Les étudiants, ceux qui aiment l'ilm, sont très peu. Ashab Dunya sont beaucoup. Dunya, on se lève tôt. On va chercher. Mais l'ilm, écoute un hadith du prophète, sallam, un nef, ça ne veut pas. Pourquoi? Parce que pour terminer, shaitan, de lutter, de tromper, de duper, un alim, ou sahib ilm, c'est très dur pour lui. Il préfère 1000 adorateurs. 1000 adorateurs, comme il est dit dans le récit. Mais un seul alim, là, il ne veut pas. C'est trop dur pour lui. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire dévier du droit chemin. Et il préfère 1000 dévots. C'est plus simple pour lui. Parce qu'un dévot, il y en a qui adorent, mais ils n'ont pas d'aïn. Alors il peut les duper. On a récité pour terminer une histoire tout à l'heure que raconte Ibn al-Jawzi dans son livre. Il dit un homme tellement il craignait Allah, un homme tellement il avait peur d'Allah, un jour il a songé de faire un grand péché. Quelque chose d'abominable. Quelque chose d'abominable. Ibn al-Jawzi dit peut-être il a même pas fait, il a pas fait. Mais tellement il avait peur d'Allah, il a regretté. Alors, il habitait dans un lieu élevé et derrière où qu'il habitait, il y avait la mer. Un jour, Shaitan l'a fait réfléchir, il était tellement pris de remords, il a regretté à ce qu'il a songé à faire. Alors, il a sauté dans la mer, il s'est suicidé. Il l'a fait par crainte d'Allah. Et en se jetant dans la mer, il a cité un verset. Il a cru qu'il fallait faire ça, que ça faisait partie du repentir. وَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Il a cité le verset. Subhanallah. pense bien faire. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ وَقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Il pense que هذا القتل قتل النفس وهذا من توبة من التوبة. Il a pensé que ça faisait partie du repentir. Alors que ce verset-là a une explication, il a une interprétation, et ça c'est lié au prophète Moussa alayhi salam et son peuple. Mais sinon, dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla, dans Surat An-Nisa, il dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Ne tuez pas vos propres personnes. Le suicide est interdit, ça fait partie des grands péchés. Et regardez, et lui, il pense, ça fait partie de Tawbah, et qu'il se rapproche d'Allah. Wallahu a'lam, je suis désolé, on a tardé. Allah yaghfir lana, qu'Allah nous pardonne. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.